Ouvrez ce bois. Assurez-vous de ne pas oublier vos affaires de semaine. Please ensure you collect all your belongings. Por favor, no olviden de recoger. Quand j'ai fini, elle me remercie, je l'ai rempli de joie, comme le Bercy, comme le Zénith, comme en Marcy. Sur la question de la Palestine, tous mes lyrics en jaune rap génius ou analysés par la balistique. Je m'en bats les steaks, y'a plus rien qui compte, c'est vite sous le bec, y'aura plus rien qui comble. Je suis sous les mecs, pourquoi font les bêtes, pourquoi font les singes, font pas les King Kong. Pour ça qu'on les hait, pour ça qu'on les baise, insulter leur mère, c'est comme un dicton. Plus de frissons, je connais ma mission, tu subis la vie, nous comment dit-on. Ou comment dit-on, j'ai vidé la caisse, 109 mm, 357 pitons. C'est très évident qu'ils sont très bidons, sont peu très mignons et peu très pignons. Un rêve du million, vendant du pilon, alors que c'est péché. Comme le saucisson, la rue son sillon, font vaciller. Tes projets d'avenir sont remaniés. T'as smic à 6h, lève-toi vaciller. Où qu'étaient les keufs et leur arrivée. Allez les gars, on peut pas dire quelque ça, ouais. Déjà y'a le pôle emploi. Local. Qu'est-ce qu'il y a, wesh, c'est plus la dèche. J'ai vu la brèche, j'ai que la pêche. Période sèche, arrosée de chèques, de tâches de cache. Tâche qui me lèche, sors pas les crocs. Seul je te laisse, cherche pas les problèmes, seul je me laisse. Je peux plus me voir, seul je me lasse. Je vais me suicider, je me menace. Tu fais de la merde, je te regarde. Je nique ta mère, je me regarde. Viens pas demander qui tu regardes. Y'a jamais personne qui te regarde. Pourquoi ces chiens se font aucun lézard? Pourquoi ces chattes sentent le renard? J'suis venu redistribuer les cartes, débusquer les farces et brusquer les gars. Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois. T'en fais pas, c'est ma S qui pilote. J'ai perdu des amis, des kilos, t'sais. J'vais ton pas pour histoire de culotte. Parle-moi pas de un télépulote. Si j'me mets sur tes côtes, on pourra que prier. Pour toi, platine et diamant, j'ai demandé que l'or. Fini les journées de bibi, j'ai tout pris pour moi. Le malheur du lion fait le bonheur des hyènes. Viens pas nager ou t'as paillette. J'suis loin des strass et des paillettes. Plus proche du cachet des plaquettes. Le convoi est parti, t'en as plus pour longtemps. Chacun son calibre, son parapluie. Pénurie de pilons, j'augmente le montant. J'fais ta tête et pas ton pied d'appui. Y'a pas de rappeur voyou à ce qui paraît. Viens vers chez moi, des gros voyous font du rap. Viens chez moi, mes humains pourraient te faire du mal. 50 euros, 1G, j'te vends pas du rêve. J'ai bigos en 3G, j'dors quand le jour se lève. Mes types ont des balles fort. Parle de moi, ça va pas le faire. Je veux faire ta vie un calvaire. Demande à mes ennemis. Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, Paul ne sous bois, attention à la marche en descendant du train.